Salut, salut, salut. Comme tous les dimanches sur Radioactive, le 100 FM à Toulon et le radio-active.net partout ailleurs dans le monde, c'est votre rendez-vous rock'n'roll en première partie, musiques expérimentales et bizarres en fin de soirée. Et c'est donc Lost in Space. On va attaquer tout de suite avec les Girls Against Boys et un très vieux morceau des années 90, Kicking the Lights. On se retrouvera après parce qu'on va voir encore une fois plusieurs lives dans la soirée. Mais pour faire monter un peu la pression, je vous dirai qui on aura tout à l'heure. Allez, c'est parti avec les Girls Against Boys. Yeah. Damage won't come. Thank you. Wait, please.

Un début de Lost in Space sur le 100 FM plutôt énervé. On a eu pas mal de groupes flirtant quelquefois avec le métal. Ça vient de s'achever à l'instant avec Upside Down Cross. Vous êtes donc toujours bien sur le 100 FM et c'est l'heure du premier live. Qui s'y colle ? Bah, tout simplement peut-être un des meilleurs groupes français de la période fin des années 80. Je veux parler des Montpelliérains d'OTH. Et là, on a le live officiel sorti en 1988. 4 morceaux qui vont nous amener jusqu'au live d'après, avec Cœur de chien, Les araignées ne dorment jamais, Sauvagerie et Tant qu'on a que la haine. Nous allons vous raconter l'aventure amoureuse de quelqu'un qui n'a jamais aimé. J'ai nommé Mister Cœur de chien. Petite dévergondée, elle aime le sexe et parfois un garçon. Je crois qu'elle m'a choisi, elle fait tout ce que je préfère. Elle fait vraiment de terribles efforts et elle se demande comment capturer mon cœur de chien. J'ai voulu dire de ne pas insister, de prendre la vie seulement comme elle vient. Je lui dis que mon cœur n'est qu'un vulgaire moteur. Tu fais vraiment de terribles efforts. Hey, comment lui faire comprendre que cœur de chien ne sert à rien. Tout en pleurant, elle me dit que je n'en vaux pas la peine. Elle me dit qu'elle préfère me quitter. Hey, Martin, je te dédie cette chanson de non-amour. Les araignées ne dorment jamais. La ville est une ville comme toutes les villes. La pluie passe sur les poudres et vous braquaille dans les chars. J'ai vu que sous les toits, entre le ciel et la rue, un univers macabre où je tisse ma toile. J'ai pas parti de la meute, je suis donc une émeute. Avec les rongeurs, j'ai capiche en cachérant. J'ai une sacrée complice, une profanatrice. Une catastrophe ambulante, une sœur dans tes pierres. Quand elle ouvre la bouche, c'est la reine du langage. La semence aime la démence dans son palais humide. C'est une créature qui a le monde noir dans le cœur. Et une fleur d'orchidée qui le pose dans le corps. So